Septième. L'intestin de Léviathan. Chapitre 1. La terre appauvrie par la mer. Paris jette par an 25 millions à l'eau. Et ceci sans métaphore. Comment et de quelle façon? Jour et nuit. Dans quel but? Sans aucun but. Avec quelle pensée? Sans y penser. Pourquoi faire? Pour rien. Au moyen de quel organe? Au moyen de son intestin. Quel est son intestin? C'est son égout. 25 millions, c'est le plus modéré des chiffres approximatifs que donnent les évaluations de la science spéciale. La science, après avoir longtemps tâtonné, sait aujourd'hui que le plus fécondant et le plus efficace des engrais, c'est l'engrais humain. Les Chinois, disons-le à notre honte, le savaient avant nous. Pas un paysan chinois, c'est Ekberg qui le dit, ne va à la ville sans rapporter aux deux extrémités de son bambou deux seaux pleins de ce que nous nommons immondices. Grâce à l'engrais humain, la terre en Chine est encore aussi jeune qu'au temps d'Abraham. Le froment chinois rend jusqu'à 120 fois la semence. Il n'est aucun guano comparable en fertilité au détritus d'une capitale. Une grande ville est le plus puissant des stercoraires. Employer la ville à fumer la plaine, ce serait une réussite certaine. Si notre or est fumier, en revanche, notre fumier est or. Que fait-on de cet or fumier? On le balaye à l'abîme. On expédie à grands frais des convois de navires afin de récolter au pôle austral la fiente des pétrels et des pingouins, et l'incalculable élément d'opulence qu'on a sous la main, on l'envoie à la mer. Tout l'engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à nourrir le monde. Ces tas d'ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est? C'est de la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, c'est du serpolé et du thym et de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail. C'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie. Ainsi le veut cette création mystérieuse qui est la transformation sur la terre et la transfiguration dans le ciel. Rendez cela au grand creuset, votre abondance en sortira. La nutrition des plaines fait la nourriture des hommes. Vous êtes maître de perdre cette richesse et de me trouver ridicule par-dessus le marché. Ce serait là le chef-d'œuvre de votre ignorance. La statistique a calculé que la France, à elle seule, fait tous les ans à l'Atlantique, par la bouche de ses rivières, un versement d'un demi-milliard. Notez ceci. Avec ces 500 millions, on paierait le quart des dépenses du budget. L'habileté de l'homme est telle qu'il aime mieux se débarrasser de ces 500 millions dans le ruisseau. C'est la substance même du peuple qu'emporte, ici goutte à goutte, là à flot, le misérable vomissement de nos égouts dans les fleuves et le gigantesque vomissement de nos fleuves dans l'océan. Chaque hoquet de nos cloaques nous coûte 1 000 francs. À cela, deux résultats, la terre appauvrie et l'eau empestée. La faim sortant du sillon et la maladie sortant du fleuve. Il est notoire, par exemple, qu'à cette heure, la Tamise empoisonne Londres. Pour ce qui est de Paris, on a dû, dans ces derniers temps, transporter la plupart des embouchures d'égouts en aval au-dessous du dernier pont. Un double appareil tubulaire, pourvu de soupapes et d'écluses de chasse, aspirante et refoulant, un système de drainage élémentaire, simple comme le poumon de l'homme, et qui est déjà en pleine fonction dans plusieurs communes d'Angleterre, suffirait pour amener dans nos villes l'eau pure des champs, et pour renvoyer dans nos champs l'eau riche des villes. Et ce facile va-et-vient, le plus simple du monde, retiendrait chez nous les 500 millions jetés dehors. On pense à autre chose. Le procédé actuel fait le mal en voulant faire le bien. L'intention est bonne, le résultat est triste. On croit expurger la ville, on étiole la population. Un égout est un malentendu. Quand partout le drainage, avec sa fonction double, restituant ce qu'il prend, aura remplacé l'égout, simple lavage appauvrissant, alors, ceci étant combiné avec les données d'une économie sociale nouvelle, le produit de la terre sera décuplé et le problème de la misère sera singulièrement atténué. Ajoutez la suppression des parasitismes, il sera résolu. En attendant, la richesse publique s'en va à la rivière et le coulage a lieu. Coulage est le mot. L'Europe se ruine de la sorte par épuisement. Quant à la France, nous venons de dire son chiffre. Or, Paris contenant le 25e de la population française totale, et le guano parisien étant le plus riche de tous, on reste au-dessous de la vérité en évaluant à 25 millions la part de perte de Paris dans le demi-milliard que la France refuse annuellement. Ces 25 millions, employés en assistance et en jouissance, doubleraient la splendeur de Paris. La ville les dépense en cloaque. De sorte qu'on peut dire que la grande prodigalité de Paris, sa fête merveilleuse, sa folie Beaujon, son orgie, son ruissellement d'or à pleine main, son faste, son luxe, sa magnificence, c'est son égout. C'est de cette façon, dans la cécité d'une mauvaise économie politique, qu'on noie et on laisse aller à volo et se perdre dans les gouffres le bien-être de tous. Il devrait y avoir des filets de Saint-Cloud pour la fortune publique. Économiquement, le fait peut se résumer ainsi. Paris, panier percé. Paris, cette cité modèle, ce patron des capitales bien faites dont chaque peuple tâche d'avoir une copie, cette métropole de l'idéal, cette patrie auguste de l'initiative, de l'impulsion et de l'essai, ce centre et ce lieu des esprits, cette ville-nation, cette ruche de l'avenir, ce composé merveilleux de Babylone et de Corinthe, ferait, au point de vue que nous venons de signaler, hausser les épaules à un paysan du Fokian. Imitez Paris, vous vous ruinerez. Au reste, particulièrement dans ce gaspillage immémorial et insensé, Paris lui-même imite. Ces surprenantes inepties ne sont pas nouvelles. Ce n'est point là de la sottise jeune. Les anciens agissaient comme les modernes. Les cloaques de Rome, dit Liebig, ont absorbé tout le bien-être du paysan romain. Quand la campagne de Rome fut ruinée par l'égout romain, Rome épuisa l'Italie. Et quand elle eut mis l'Italie dans son cloaque, elle y versa la Sicile, puis la Sardaigne, puis l'Afrique. L'égout de Rome a engouffré le monde. Ce cloaque offrait son engloutissement à la cité et à l'univers. Urbi et orbi. Ville éternelle, égout insondable. Pour ces choses-là, comme pour d'autres, Rome donne l'exemple. Cet exemple, Paris le suit, avec toute la bêtise propre aux villes d'esprit. Pour les besoins de l'opération sur laquelle nous venons de nous expliquer, Paris a sous lui un autre Paris, un Paris d'égout. Lequel a ses rues, ses carrefours, ses places, ses impasses, ses artères et sa circulation, qui est de la fange avec la forme humaine de moins. Car il ne faut rien flatter, pas même un grand peuple. Là où il y a tout, il y a l'ignominie à côté de la sublimité. Et si Paris contient Athènes, la ville de lumière, Tyr, la ville de puissance, Sparte, la ville de vertu, Ninive, la ville de prodige. Il contient aussi Lutèce, la ville de boue. D'ailleurs, le cachet de sa puissance est là aussi. Et la titanique sentine de Paris réalise, parmi les monuments, cet idéal étrange réalisé dans l'humanité par quelques hommes tels que Machiavel, Bacon et Mirabeau. Le grandiose abject. Le sous-sol de Paris, si l'œil pouvait en pénétrer la surface, présenterait l'aspect d'un madréport colossal. Une éponge n'a guère plus de pertuis et de couloirs que la motte de terre de six lieues de tours sur laquelle repose l'antique grande ville. Sans parler des catacombes, qui sont une cave à part, sans parler de l'inextricable treillis des conduits de gaz, sans compter le vaste système tubulaire de la distribution d'eau vive, qui aboutit aux bornes fontaines, les égouts, à eux seuls, font sous les deux rives un prodigieux réseau ténébreux. Labyrinthe qui a pour fil sa pente. Là apparaît, dans la brume humide, le rat, qui semble le produit de l'accouchement de Paris. Chapitre 2. L'histoire ancienne de l'égout. Qu'on s'imagine Paris ôté comme un couvercle. Le réseau souterrain des égouts, vu à vol d'oiseau, dessinera sur les deux rives une espèce de grosse branche greffée au fleuve. Sur la rive droite, l'égout de ceinture sera le tronc de cette branche. Les conduits secondaires seront les rameaux et les impasses seront les ramuscules. Cette figure n'est que sommaire et à demi exacte. L'angle droit, qui est l'angle habituel de ce genre de ramification souterraine, étant très rare dans la végétation. On se fera une image plus ressemblante de cet étrange plan géométral en supposant qu'on voit à plat sur un fond de ténèbres quelques bizarres alphabets d'Orient brouillés comme un fouillis et dont les lettres difformes seraient soudées les unes aux autres dans un pêle-mêle apparent et comme au hasard, tantôt par leurs angles, tantôt par leurs extrémités. Les sentines et les égouts jouaient un grand rôle au Moyen-Âge, au Bas-Empire et dans ce vieil Orient. La peste y naissait, les despotes y mouraient. Les multitudes regardaient presque avec une crainte religieuse ces lits de pourriture, monstrueux berceaux de la mort. La fosse aux vermines de Bénarès n'est pas moins vertigineuse que la fosse aux lions de Babylone. Téglat Phalazar, au dire des livres rabbiniques, juré par la sentine de Ninive, c'est de l'égout de Munster que Jean de Lède faisait sortir sa fausse lune. Et c'est du puits cloaque de Kécheb que son ménechme oriental, Mokana, le prophète voilé du Khorasan, faisait sortir son faux soleil. L'histoire des hommes se reflète dans l'histoire des cloaques. L'hégémonie racontait Rome. L'égout de Paris a été une vieille chose formidable. Il a été sépulcre, il a été asile. Le crime, l'intelligence, la protestation sociale, la liberté de conscience, la pensée, le vol, tout ce que les lois humaines poursuivent ou ont poursuivi, s'est caché dans ce trou. Les maillotins au XIVe siècle, les tirelaines au XVe, les huguenots au XVIe, les illuminés de Morin au XVIIe, les chauffeurs au XVIIIe. Il y a 100 ans, le coup de poignard nocturne en sortait. Le filou en danger y glissait. Le bois avait la caverne. Paris avait l'égout. La truanderie, cette picareria gauloise, acceptait l'égout comme succursale de la cour des miracles. Et le soir, narquoise et féroce, rentrait sous le vomitoire maubuée comme dans une alcôve. Il était tout simple que ceux qui avaient pour lieu de travail quotidien le cul-de-sac vide goussé ou la rue coupe-gorge eussent pour domicile nocturne le ponceau du chemin vert ou le cagnard Hurepoix. De là, un fourmillement de souvenirs. Toutes sortes de fantômes hantent ces longs corridors solitaires. Partout la putridité et le miasme. Çà et là, un soupirail où Villon dedans cause avec Rabelais dehors. L'égout, dans l'ancien Paris, est le rendez-vous de tous les épuisements et de tous les essais. L'économie politique y voit un détritus, la philosophie sociale y voit un résidu. L'égout, c'est la conscience de la ville. Tout y converge et s'y confronte. Dans ce lieu livide, il y a des ténèbres, mais il n'y a plus de secret. Chaque chose a sa forme vraie, ou du moins sa forme définitive. Le tas d'ordures a cela pour lui qu'il n'est pas menteur. La naïveté s'est réfugiée là. Le masque de Basile s'y trouve, mais on en voit le carton et les ficelles, et le dedans comme le dehors, et il est accentué d'une boue honnête. Le fauné de Scapin l'avoisine. Toutes les malpropretés de la civilisation, une fois hors de service, tombent dans cette fosse de vérité, où aboutit l'immense glissement social. Elles s'y engloutissent, mais elles s'y étalent. Ce pêle-mêle est une confession. Là, plus de fausse apparence, aucun plâtrage possible. L'ordure ôte sa chemise, dénudation absolue, déroute des illusions et des mirages. Plus rien que ce qui est, faisant la sinistre figure de ce qui finit. Réalité et disparition. Là, un cul de bouteille avoue l'ivrognerie, une anse de panier raconte la domesticité. Là, le trognon de pomme qui a eu des opinions littéraires redevient le trognon de pomme. L'effigie du gros sou se vert de grise franchement. Le crachat de Caïphe rencontre le vomissement de Falstaff. Le louis d'or qui sort du tripot heurte le clou où pend le bout de corde du suicide. Un foetus livide roule enveloppé dans des paillettes qui ont dansé le mardi gras dernier à l'opéra. Une toque qui a jugé les hommes se vautre près d'une pourriture qui a été la jupe de Margoton. C'est plus que de la fraternité, c'est du tutoiement. Tout ce qui se fardait se barbouille. Le dernier voile est arraché. Un égout est un cynique. Il dit tout. Cette sincérité de l'immondice nous plaît et repose l'âme. Quand on a passé son temps à subir sur la terre le spectacle des grands airs que prennent la raison d'État, le serment, la sagesse politique, la justice humaine, les probités professionnelles, les austérités de situation, les robes incorruptibles. Cela soulage d'entrer dans un égout et de voir de la fange qui en convient. Cela enseigne en même temps. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'histoire passe par l'égout. Les Saint-Barthélemy y filtrent goutte à goutte entre les pavés. Les grands assassinats publics, les boucheries politiques et religieuses traversent ce souterrain de la civilisation et y poussent leurs cadavres. Pour l'œil du songeur, tous les meurtriers historiques sont là, dans la pénombre hideuse, à genoux, avec un pan de leur suaire pour tablier, épongeant lugubrement leur besogne. Louis XI y est, avec Tristan. François Ier y est, avec Duprat. Charles IX y est, avec sa mère. Richelieu y est, avec Louis XIII. Louvois y est. Le Tellier y est. Hébert et Maillard y sont, grattant les pierres et tâchant de faire disparaître la trace de leurs actions. On entend sous ces voûtes le balai de ces spectres. On y respire la fétidité énorme des catastrophes sociales. On voit dans des coins des miroitements rougeâtres. Il coule là une eau terrible où se sont lavées des mains sanglantes. L'observateur social doit entrer dans ces ombres. Elles font partie de son laboratoire. La philosophie est le microscope de la pensée. Tout veut la fuir, mais rien ne lui échappe. Tergiverser est inutile. Quel côté de soi montre-t-on en tergiversant ? Le côté honte. La philosophie poursuit de son regard probe le mal et ne lui permet pas de s'évader dans le néant. Dans l'effacement des choses qui disparaissent,

Au premier abord, on le prendrait volontiers pour un de ces corridors souterrains, si communs jadis et si utiles aux fuites de monarques et de princes, dans cet ancien bon temps où le peuple aimait ses rois. L'égout actuel est un bel égout. Le style pur y règne. Le classique alexandrin rectiligne, qui, chassé de la poésie, paraît s'être réfugié dans l'architecture, semble mêlé à toutes les pierres de cette longue voûte ténébreuse et blanchâtre. Chaque dégorgeoir est une arcade. La rue de Rivoli fait école jusque dans le cloaque. Au reste, si la ligne géométrique est quelque part à sa place, c'est à coup sûr dans la tranchée stercoraire d'une grande ville. Là, tout doit être subordonné au chemin le plus court. L'égout a pris aujourd'hui un certain aspect officiel. Les rapports mêmes de police, dont il est quelquefois l'objet, ne lui manquent plus de respect. Les mots qui le caractérisent, dans le langage administratif, sont relevés et dignes. Ce qu'on appelait boyau, on l'appelle galerie. Ce qu'on appelait trou, on l'appelle regard. Villon ne reconnaîtrait plus son antique logis en cas. Ce réseau de caves a bien toujours son immémoriale population de rongeurs, plus pullulante que jamais. De temps en temps, un rat, vieille moustache, risque sa tête à la fenêtre de l'égout et examine les Parisiens. Mais cette vermine elle-même s'apprivoise, satisfaite qu'elle est de son palais souterrain. Le cloaque n'a plus rien de sa férocité primitive. La pluie qui salissait l'égout d'autrefois lave l'égout à présent. Ne vous y fiez pas trop pourtant. Les miasmes l'habitent encore. Il est plutôt hypocrite qu'irréprochable. La préfecture de police et la commission de salubrité ont eu beau faire, en dépit de tous les procédés d'assainissement, il exhale une vague odeur suspecte, comme Tartuffe après la confession. Convenons-en. Comme à tout prendre, le balayage est un hommage que l'égout rend à la civilisation, et comme, à ce point de vue, la conscience de Tartuffe est un progrès sur les tables d'Augias, il est certain que l'égout de Paris s'est amélioré. C'est plus qu'un progrès, c'est une transmutation. Entre l'égout ancien et l'égout actuel, il y a une révolution. Qui a fait cette révolution? L'homme que tout le monde oublie et que nous avons nommé Bruneseau. Chapitre 6. Progrès futur. Le creusement de l'égout de Paris n'a pas été une petite besogne. Les 10 derniers siècles y ont travaillé sans le pouvoir terminer, pas plus qu'ils n'ont pu finir Paris. L'égout, en effet, reçoit tous les contre-coups de la croissance de Paris. C'est dans la terre une sorte de polype ténébreux aux 1000 antennes qui grandit dessous en même temps que la ville dessus. Chaque fois que la ville perce une rue, l'égout allonge un bras. La vieille monarchie n'avait construit que 23 300 mètres d'égout. C'est là que Paris en était le 1er janvier 1806. À partir de cette époque, dont nous reparlerons tout à l'heure, l'œuvre a été utilement et énergiquement reprise et continuée. Napoléon a bâti, ces chiffres sont curieux, 4804 mètres. Louis XVIII, 5709. Charles X, 10 836. Louis-Philippe, 89 020. La République de 1848, 23 381. Le régime actuel, 70 500. En tout, à l'heure qu'il est, 226 610 mètres, 60 lieues d'égout. Entrailles énormes de Paris. Ramifications obscures, toujours en travail, construction ignorée et immense. Comme on le voit, le dédale souterrain de Paris est aujourd'hui plus que décuple de ce qu'il était au commencement du siècle. On se figure malaisément tout ce qu'il a fallu de persévérance et d'effort pour amener ce cloaque au point de perfection relative où il est maintenant. C'était à grand peine que la vieille prévôté monarchique, Et dans les 10 dernières années du XVIIIe siècle, la mairie révolutionnaire était parvenue à forer les 5 lieux d'égout qui existaient avant 1806. Tous les genres d'obstacles entravaient cette opération. Les uns propres à la nature du sol, les autres inhérents aux préjugés même de la population laborieuse de Paris. Paris est bâti sur un gisement étrangement rebelle à la pioche, à la houe, à la sonde, au maniement humain. Rien n'est plus difficile à percer et à pénétrer que cette formation géologique à laquelle se superpose la merveilleuse formation historique nommée Paris. Dès que, sous une forme quelconque, le travail s'engage et s'aventure dans cette nappe d'alluvion, les résistances souterraines abondent. Ce sont des argiles liquides, des sources vives, des roches dures, de ces vases molles et profondes que la science spéciale appelle moutarde. Le pic avance laborieusement dans des lames calcaires alternées de filets de glaise très minces et de couches schisteuses aux feuillets incrustés d'écailles d'huîtres contemporaines des océans préadamites. Parfois, un ruisseau crève brusquement une voûte commencée et inonde les travailleurs. Ou c'est une coulée de marne qui se fait jour et se rue avec la furie d'une cataracte, brisant comme verre les plus grosses poutres de soutènement. Tout récemment, à la Villette, quand il a fallu, sans interrompre la navigation et sans vider le canal, faire passer l'égout collecteur sous le canal Saint-Martin, une fissure s'est faite dans la cuvette du canal. L'eau a abondé subitement dans le chantier souterrain, au-delà de toute la puissance des pompes d'épuisement. Il a fallu faire chercher par un plongeur la fissure qui était dans le goulet du grand bassin, et on ne l'a point bouché sans peine. Ailleurs, près de la Seine, et même assez loin du fleuve, comme par exemple à Belleville, grande rue et passage lumière, on rencontre des sables sans fond où l'on s'enlise et où un homme peut fondre à vue d'œil. Ajoutez l'asphyxie par les miasmes, l'ensevelissement par les éboulements, les effondrements subits. Ajoutez le typhus dont les travailleurs s'imprègnent lentement. De nos jours, après avoir creusé la galerie de Clichy, avec banquette pour recevoir une conduite maîtresse d'eau de l'Ourcq, travail exécuté en tranchée à 10 mètres de profondeur, après avoir à travers les éboulements, à l'aide des fouilles, souvent putrides, et des étrisoyonnements, voûté la Bièvre du boulevard de l'Hôpital jusqu'à la Seine, après avoir, pour délivrer Paris des eaux torrentielles de Montmartre, et pour donner récoulement à cette mare fluviale de 9 hectares qui croupissait près de la barrière des Martyrs, après avoir, disons-nous, construit la ligne d'égout de la barrière blanche au chemin d'Aubervilliers, en 4 mois, jour et nuit, à une profondeur de 11 mètres, après avoir, chose qu'on n'avait pas vue encore, exécuté souterrainement un égout rue Barre du Bec sans trancher à 6 mètres au-dessous du sol, le conducteur Monod est mort. Après avoir voûté 3 000 mètres d'égout sur tous les points de la ville, de la rue traversière Saint-Antoine à la rue de l'Oursine, après avoir, par le branchement de l'arbalète, déchargé des inondations pluviales le carrefour Sanzier-Mouffetard, après avoir bâti l'égout Saint-Georges sur enrochement et béton dans des sables fluides, après avoir dirigé le redoutable abaissement de radier du branchement Notre-Dame de Nazareth, l'ingénieur Dulot est mort. Il n'y a pas de bulletin pour ces actes de bravoure-là, plus utile pourtant que la tuerie bête des champs de bataille. Les égouts de Paris en 1832 étaient loin d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Bruneseau avait donné le branle, mais il fallait le choléra pour déterminer la vaste reconstruction qui a eu lieu depuis. Il est surprenant de dire, par exemple, qu'en 1821, une partie de l'égout de ceinture, dit Grand Canal, comme à Venise, croupissait encore à ciel ouvert, rue des Gourdes. Ce n'est qu'en 1823 que la ville de Paris a trouvé dans son gousset les 266 080 francs 6 centimes nécessaire à la couverture de cette turpitude. Les trois puits absorbants du combat de la Cunette et de Saint-Mandé, avec leurs dégorgeoirs, leurs appareils, leurs puisards et leurs branchements dépuratoires, ne datent que de 1836. La voirie intestinale de Paris a été refaite à neuf et, comme nous l'avons dit, plus que décuplée depuis un quart de siècle. Il y a 30 ans, à l'époque de l'insurrection des 5 et 6 juin, c'était encore, dans beaucoup d'endroits, presque l'ancien égout. Un très grand nombre de rues, aujourd'hui bombées, étaient alors des chaussées fendues. On voyait très souvent, au point d'éclive où les versants d'une rue ou d'un carrefour aboutissaient, de larges grilles carrées à gros barreaux dont le fer luisait, fourbu par les pas de la foule, dangereuses et glissantes aux voitures et faisant abattre les chevaux. La langue officielle des ponts et chaussées donnait à ces points d'éclive et à ces grilles le nom expressif de « cassis ». En 1832, dans une foule de rues, rue de l'Étoile, rue Saint-Louis, rue du Temple, rue Vieille du Temple, rue Notre-Dame de Nazareth, rue Folie-Méricourt, quai aux Fleurs, rue du Petit Musc, rue de Normandie, rue Pont-aux-Biches, rue des Marais, Faubourg Saint-Martin, rue Notre-Dame des Victoires, Faubourg Montmartre, rue Grange-Batelière, aux Champs-Élysées, rue Jacob, rue de Tournon, le vieux cloaque gothique montrait encore cyniquement ses gueules. C'étaient d'énormes hiatus de pierre à cagnards, quelquefois entourés de bornes, avec une effronterie monumentale. Paris, en 1806, en était encore presque au chiffre d'égouts constaté en mai 1663. 5328 oises. Après Bruneseau, le 1er janvier 1832, il en avait 40 300 mètres. De 1806 à 1831, on avait bâti annuellement, en moyenne, 750 mètres. Depuis, on a construit tous les ans 8 et même 10 000 mètres de galeries, en maçonnerie de petits matériaux à bains de chaux hydrauliques sur fondation de béton. À 200 francs le mètre, les 60 lieux d'égout du Paris actuel représentent 48 millions. Outre le progrès économique que nous avons indiqué en commençant, de graves problèmes d'hygiène publique se rattachent à cette immense question, l'égout de Paris. Paris est entre deux nappes, une nappe d'eau et une nappe d'air. La nappe d'eau, gisante à une assez grande profondeur souterraine, mais déjà tâtée par deux forages, est fournie par la couche de grès vert située entre la craie et le calcaire jurassique. Cette couche peut être représentée par un disque de 25 lieues de rayon. Une foule de rivières et de ruisseaux y suintent. On boit la Seine, la Marne, l'Yonne, l'Oise, l'Aisne, le Cher, la Vienne et la Loire dans un verre d'eau du puits de Grenelle. La nappe d'eau est salubre. Elle vient du ciel d'abord, de la terre ensuite. La nappe d'air est malsaine, elle vient de l'égout. Tous les miasmes du cloaque se mêlent à la respiration de la ville. De là, cette mauvaise haleine. L'air pris au-dessus d'un fumier, ceci a été scientifiquement établi, est plus pur que l'air pris au-dessus de Paris. Dans un temps donné, le progrès aidant, les mécanismes se perfectionnant et la clarté se faisant, on emploiera la nappe d'eau à purifier la nappe d'air, c'est-à-dire à laver l'égout. On sait que par « lavage de l'égout », nous entendons « restitution de la fange à la terre », renvoi du fumier au sol et de l'engrais au champ. Il y aura, par ce simple fait, pour toute la communauté sociale, diminution de misère et augmentation de santé. À l'heure où nous sommes, le rayonnement des maladies de Paris va à 50 lieues autour du Louvre, pris comme moyeu de cette route pestilentielle. On pourrait dire que depuis 10 siècles, le cloaque est la maladie de Paris. L'égout est le vice que la ville a dans le sang. L'instinct populaire ne s'y est jamais trompé. le métier d'égoutier était autrefois presque aussi périlleux et presque aussi répugnant au peuple que le métier d'équarisseur, frappé d'horreur et si longtemps abandonné au bourreau. Il fallait une haute paix pour décider un maçon à disparaître dans cette sape fétide. L'échelle du puisatier hésitait à s'y plonger. On disait proverbialement « descendre dans l'égout, c'est entrer dans la fosse ». Et toutes sortes de légendes hideuses, nous l'avons dit, couvraient d'épouvante ce colossal évier. Sentine redoutée, qui a la trace des révolutions du globe comme des révolutions des hommes, et où l'on trouve des vestiges de tous les cataclysmes, depuis le coquillage du déluge jusqu'au haillon de Marat.